Pourquoi tant de mots blessants pour un baiser? Pourquoi tant de jalousie, de méchanceté? Quand on voit dans les rues s'embrasser deux amoureux qui n'ont qu'un cœur pour s'aimer. S'ils s'embrassent, pourquoi? Pourquoi en faire un drame? Ils ne changeront pas le cours de l'histoire. La bêtise sera toujours honorée puisqu'elle a la majorité. Oh. C'est l'exemple scandaleux pour nos enfants. Voilà l'argument massu des vieilles gens qui oublient bien vite et leurs 20 ans et le temps où ils s'aimaient tout autant. Faut-il mieux montrer à Paul ou à Pierre dans les livres, dans la vie, la vaillance de la guerre avec toutes leurs machines, leurs fusées? Bientôt ça nous pètera au nez. Oh. Je ne sais rien de vraiment beau sur la terre, rien de vraiment joli qui ne le demeure, aucune joie prévue qui nous désaltère, à part l'amour de corps ou de cœur. Mais de toute façon, l'homme et la science n'ont pas encore pu, et c'est là l'importance, par la bouche nous faire commander un beau bébé pour un baiser. Oh.